إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on continue notre lecture du livre Zajr al-Mutahawin Bidarari Qa'idat al-Ma'zirati wa al-Ta'awun, écrit par le Cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman, et c'est traduit par, j'ai mis comme titre en français le Manhaj des Salaf face à la divergence, et c'est pour réfuter la règle des Ikhwan, comme on le dit, hein, qui disent qu'on doit s'excuser les uns les autres dans nos erreurs, et puis qu'on doit collaborer ensemble dans les choses sur lesquelles nous sommes en accord, mais sur les choses sur lesquelles on est en désaccord, on s'excuse, hein. Et on explique les problèmes qu'il y a dans cette parole, hein, qui a été appliquée et enseignée et pratiquée par Hassan al-Banna et par ceux qui l'ont suivi par la suite. Et les groupes de Hizbiyyin aujourd'hui, ils agissent tous et ils se basent tous sur ce principe-là, malheureusement, Allah al-Musta'an. Et juste aujourd'hui, en discutant avec un frère, j'avais une réflexion à ce sujet-là, parce que on lit des Hizbiyyin, de la part des Hizbiyyin, on lit et on entend de ces temps-ci en particulier plein d'attaques et d'insultes contre les salafis et contre les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Ils les attaquent et ils se moquent d'eux et ils les insultent, hein, sans aucune honte et sans aucune gêne. Et quand on regarde ça, en réalité, on se demande, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont une raison? Parce que c'est étonnant de voir comment, quand ils laissent parler des soufiyines ou des gens de n'importe quelle bid'a, que ce soit des shi'as ou des soufiyas ou d'autres gens d'égarement, ils les laissent dire à propos d'Allah, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'islam, à propos de la sharia d'Allah, ils les laissent dire n'importe quoi. Tout ce qu'ils disent de mensonges et d'égarements, ils ne disent rien contre ça. Hein? Ils ne critiquent pas quand ces gens-là disent ce qu'ils disent. Et quand ils font ce qu'ils font qui est contraire au Coran, contraire à la Sunna, contraire au manhaj des salaf salih, ils ne disent rien. Mais depuis que les salafis commencent à les critiquer, commencent à montrer leurs égarements, commencent à montrer leurs erreurs, automatiquement, ils sortent leurs insultes, ils sortent leurs attaques et ils essaient de défendre le mensonge, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment étonnant en réalité, mais lorsqu'on connaît la nature de l'égarement et de la bid'a et des passions, eh bien, on s'étonne pas par la suite, puisque, bien entendu, la passion les a aveuglés. Nasallallahu al-afiyah, que Allah nous protège. Et que Allah ouvre leurs yeux et leur cœur et leur fasse voir la réalité des contradictions dans lesquelles ils sont. Le Cheikh, donc, on est arrivé à un passage maintenant dans le livre où il donne un autre exemple de principe ou de fondement qui est établi par les Hizbiyyin et par les gens de Bid'a. Et c'est un exemple qu'il donne, qui est un exemple vraiment concret en citant les paroles d'un parmi les Hizbiyin d'aujourd'hui, qui est connu par le nom de Salah Sawi. C'est un Égyptien, il s'appelle Salah Sawi, il écrit des livres, hein, et yani, Allah al-Musta'an, il a un livre qui s'appelle Al-Thawabit wal-Mutaghayyirat. Il est publié par Al-Muntada en Angleterre. C'est le groupe des Sururi, hein, des Sururiyin. Et en passant, celui-là, il est venu l'année passée ici à Montréal, ou bien même, est-ce que c'était pas cette année? En tout cas, il est venu dans une mosquée des Sururi à Montréal, la mosquée Sunna, hein, ils ont même pris ce nom-là, hein. Malheureusement, ils ne méritent pas que leur mosquée s'appelle ainsi. Mais bon, ils ont invité ce personnage dans leur mosquée. On va voir quelques-unes des idées de cette personne et comment il établit son principe pour justement élargir les frontières du khilaf et pour faire rentrer à l'intérieur de Ahl Sunnah ceux qui ont opposé Ahl Sunnah et pour faire rentrer à l'intérieur de ce qui est yani, l'islam et le tawhid, pour faire rentrer des choses, yani, pour excuser des gens pour des choses qu'ils font qui rentrent dans le shirk, hein. Il élargit la frontière de la divergence pour essayer de trouver des excuses pour ces gens-là. Donc on va voir des exemples de ça dans le texte qu'on va lire ensemble, inshallah. Le cheikh il dit: وقريب من التوسعة في المسائل المختلفة فيها والإلزام المتفق عليه التوسعة في الظنيات والإلزام في القطعيات وقريب من التوسعة في المسائل المختلفة فيها والإلزام بالمتفق عليه والتوسعة في الظنيات والإلزام في القطعيات وهذا ما بنى عليه الدكتور صلاح الصاوي كتابه الثوابت والمتغيرات. Donc il y a ce point là qui fait partie des principes ou des fondements qui ont été amenés pour élargir la question des divergences et des questions de divergence, hein, et la question de dire qu'on doit rester ensemble et suivre qu'est-ce qui est les choses sur lesquelles on est d'accord, c'est d'élargir la frontière de qu'est-ce qui fait partie des dhanniyat, de qu'est-ce qu'on appelle des dhanniyat, c'est-à-dire des choses qui sont pas claires ou qui sont pas certaines, hein, des choses qui sont pas certaines, des choses sur lesquelles on peut avoir des différences de compréhension parce qu'elles sont des choses équivoques, et al-ilzam bil-qat'iyat, c'est-à-dire de suivre et de s'accrocher à qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui est certain et qu'est-ce qui est tranchant, yani des choses sur lesquelles on n'a pas de doute. Donc c'est d'élargir les dhanniyat, de faire rentrer dans les dhanniyat des choses qui font partie des choses certaines et d'en parler comme si c'était des choses qui n'étaient pas très clair, hein, pour essayer de faire rentrer à l'intérieur des choses qui sont en réalité des choses très très claires, très très clairement expliquées dans les textes, et on va voir comment il s'y prend. Mais juste avant ça, il y a à propos de Salah Sawi, je me souviens quand j'écoutais la cassette les cassettes de Cheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, quand il faisait la réfutation de Yusuf al-Qardawi dans Iskat al-Kalb al-Awi, il a mentionné qu'il avait fait une cassette pour réfuter Salah Sawi, et il l'avait nommé Al-Kawi Lidimar Salah Sawi. Si je me souviens bien, c'était ça le titre. C'est-à-dire Al-Kawi, le fer chaud pour le cerveau de Salah Sawi. Le problème, c'est que j'ai malheureusement jamais réussi à mettre la main sur cette cassette ou sur ce livre. Donc, si c'est possible, de la part d'un des frères, si un d'entre vous avez eu une information au sujet de cette cassette, ou si vous avez une copie, ou si vous avez le livre ou quelque chose de ce genre, ce serait bien, inshallah, que l'un d'entre vous me le fasse parvenir par email ou par n'importe quel autre moyen, si c'est possible. Parce que, alhamdoulilah, c'est un livre que j'aurais voulu lire ou bien une cassette que j'aurais voulu entendre et pour ensuite même pour la diffuser aussi, puisque il y a beaucoup de gens qui posaient des questions au sujet de ce personnage. Et en plus, en tout cas, il y a peut-être il y a une chose que j'aurais voulu dire, mais bon, on va pas le dire tout de suite, puisque c'est je veux pas rentrer dans les détails qui n'ont pas rapport, mais c'est juste pour dire bon, j'aurais voulu avoir des informations au sujet de ce livre ou de cette cassette. Donc barakallahu fikum, si vous l'avez, s'il y a des frères qui ont les collections des cours de tous les durus de Cheikh Muqbil rahimahullah, alors ce serait bien de le partager inshallah. Donc le docteur Salah Sawi il a écrit ce livre qui s'appelle Al-Thawabit wal-Mutaghayyirat. Al-Thawabit, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est thabit. C'est le pluriel de thabit. Thawabit, des choses qui sont fermes, qui sont établies. Wal-Mutaghayyirat, c'est le pluriel de qu'est-ce qui est mutaghayyir, c'est-à-dire qu'est-ce qui change. Donc, il y a des choses qui sont établies, qui sont fermes, qui ne changent pas. Puis il y a les autres choses qui sont al-mutaghayyirat, c'est-à-dire des choses qui changent. Et dans ce livre-là qu'il a écrit, il a mélangé beaucoup de choses. Il a fait beaucoup d'erreurs dans l'aqida et dans le manhaj. Il a émis même des shubuhat et des doutes sur la division des catégories de tawhid en disant que c'était juste des choses que les savants avaient décidées. Alors qu'en réalité, non, ça, c'est faux. C'est bil istiqra, comme les ulama ils disent, c'est quelque chose qu'on a déduit en lisant les textes du Coran et de la Sunna. C'est ce qu'on appelle al istiqra. Donc c'est pas des ijtihads des ulama ou des istilahs que les ulama ont décidé ou ont inventé eux-mêmes. Donc il y a ça, et il y a beaucoup d'autres erreurs qu'il fait aussi dans les questions de manhaj et dans les questions d'aqida. On va en lire quelques-unes dans le texte qui va venir. Donc le cheikh il dit وسمى المسائل القطعية بالثوابت والظنية بالمتغيرات ومع تلازم تأصيله مع التأصيل المذكور فقد جعل من جملة الأمارات على ظنية النص وقوع الخلاف فيه وأدرج في المتغيرات جملة من مسائل العقيدة لوقوع الخلاف فيها. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que qu'est-ce qu'il a nommé ou qu'est-ce qu'il a appelé comme étant les choses qui sont des thawabit, les choses qui sont établies, qui sont fermes, il les appelle des qat'iyat ou qat'iyya. Il dit que ce sont des questions qui sont qat'iyya, c'est-à-dire qui sont claires, tranchantes et certaines. Et al-mutaghayyirat, des choses qui sont changeantes, qui sont pas fixes dans la charia, qui changent avec le temps et avec l'espace, soi-disant, il les appelle vanniya, c'est-à-dire des choses incertaines, ambiguës, équivoques, pas claires, ainsi de suite. Et donc il a établi ça comme principe, comme fondement, puis ensuite il a utilisé comme un signe pour déterminer qu'est-ce qui est vanniya par rapport au texte, qu'est-ce qui est pas clair ou qu'est-ce qui est incertain. Il a utilisé comme signe de ça le fait qu'il y ait certaines divergences à son sujet. Donc, il a considéré que le fait qu'il y ait une divergence au sujet d'un texte, il a fait de ça un signe pour dire que ça, c'est quelque chose qui fait partie des dhanniyat, des choses incertaines et équivoques. Et ensuite, il a dit « wa adraja fil mutaghayyirat » Jumlatan, il a fait rentrer dans les choses qui changent certaines questions qui font partie de l'aqida. Parce qu'il y a eu des divergences à leur sujet, il les rentre dans qu'est-ce qui fait partie des choses changeantes. D'accord? Donc ça, c'est une des méthodes qui a été utilisée justement pour ouvrir la porte de la divergence parmi les gens d'Ahl Sunnah pour essayer de dire, voilà, il y a des choses certaines choses au sujet desquelles il y a eu des divergences. Et donc, sur ces sujets-là, il ne faut pas se diviser parce que c'est des choses qui sont des mutaghayyirat, et c'est des choses sur lesquelles c'est des choses qui sont zanniya, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, si vous regardez derrière, tout ça, c'est dans le but de quoi? De trouver des excuses et des prétextes à ceux qui ont contredit le manhaj des salaf salih dans les questions de manhaj et d'aqidah, et en particulier les têtes des chefs des hizbiyyin et des responsables des hizbiyyin comme Hassan al-Banna et Sayyid Qutb et les autres qui les ont suivis comme Maududi et d'autres. Donc pour essayer de trouver des prétextes et des excuses pour que les gens les suivent, ils essaient d'élargir les limites du khilaf pour les faire rentrer parmi les gens qui sont soi-disant dans les limites de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et bien entendu, c'est de cette manière malhonnête qu'ils procèdent pour y arriver. Le cheikh à ce point-là, il a mis une note de bas de page qui dit وَقَدْ جَعَلَ الصَّاوِي بِذَلِكَ مَرَدَّ الْمُتَغَيِّرَاتِ إِلَى أَنْظَارَ الْبَاحِثِينَ فِي النُّصُوصِ وَهَذَا تَحَكُّمٌ لَا وَجْهَ لَهُ إِذْ مَنَاطُ الْمُتَغَيِّرِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ يَرْجِعُ إِلَى النِّيَّةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. Donc le cheikh il dit que Sawi, en faisant cette distinction-là et cette division-là, en disant que les questions qui sont des choses changeantes retournent au fait qu'il y a eu à leur sujet des divergences, il dit que de faire ça, c'est comme s'il ramenait la question des choses qui sont changeantes dans la charia aux analyses des gens qui font des recherches au sujet des textes. C'est comme s'il ramène ça à une chose qui est relative aux personnes, hein, aux individus qui lisent les textes ou qui étudient les textes. Et ça, c'est bien entendu une chose qu'il a fait qui est arbitraire, hein, qu'il a décidé par lui-même, qui sans aucune preuve. Et non seulement ça, c'est il n'y a aucune référence et aucune preuve pour supporter cette façon dont il a divisé les choses et pour supporter cette règle qu'il a établie. إذ مناط المتغير في الأحكام الشرعية يرجع إلى النية. Il dit le point central autour duquel tournent les questions changeantes qui sont reliées aux règles de la charia, c'est des choses qui sont reliées ou qui retournent à l'intention, à l'endroit et à l'époque, hein. Donc c'est des questions qui sont reliées à l'intention, à l'endroit et à l'époque, et non pas à la question du fait qu'il y a eu des divergences au sujet des textes ou non. Donc, bien entendu, il y aurait des détails à expliquer. Peut-être que certaines des choses qu'on va expliquer aujourd'hui, pas tout le monde vont comprendre, hein. Et bien entendu, il y a des détails à leur sujet. Mais c'est juste, bon, disons, pour vous faire comprendre les grandes lignes et le principe qui est derrière, c'est-à-dire comment ces gens-là utilisent les divergences pour essayer de faire rentrer dans la voie de Ahl-Sunnah des choses qui sont contraires. Et vous allez voir les exemples de ça, inshallah. Le cheikh dit, قال الصاوي والمقصود من هذا الفصل أن نميز الثوابت من المتغيرات والقطعيات من الظنيات في ذلك كله حتى لا نتجاوز محكما مقطوعا به تحت دعوة التحديث أو الإحياء وتتهاوج صفوفنا بسبب الخلاف في ظني متشابه تحت دعوى السلفية والتمسك بالأصول والمجافاة عن أهل البدع. Donc qu'est-ce qu'il dit ici Sawi dans son livre? Sawi il dit qu'est-ce qu'on veut dans ce chapitre? C'est de distinguer entre qu'est-ce qui est des choses entre les choses qui sont établies, qui sont claires, établies, et les choses qui changent, entre les choses qui sont certaines et les choses qui sont incertaines, et dans tout ce qu'il les sujets dont il parle. Il dit ça c'est pour pas dépasser ou passer par-dessus qu'est-ce qui est clair et tranchant, sous prétexte de vouloir faire qu'est-ce qu'ils appellent at-tahdith, c'est-à-dire de réformer ou de rénover, comme ils appellent certaines personnes qui veulent faire la réforme, at-tahdith, ou bien al-ihya, c'est-à-dire de faire revivre une sunna ou des choses de ce genre. Parce que là, il attaque les salafis indirectement aussi. Il dit, et pour pas mettre en feu nos rangs à cause d'une divergence qui est au sujet d'une chose incertaine et qui est parmi les choses équivoques, sous prétexte d'appeler à la salafia, hein, ou bien de s'accrocher au fondement et de vouloir, disons, s'opposer aux gens de Bid'a, ainsi de suite. Donc, c'est comme s'il envoie une flèche empoisonnée indirectement aux salafis. Et on peut dire que ce n'est pas indirectement, puisqu'il le dit clairement quand même. Donc, il envoie une flèche empoisonnée de cette manière, en disant que, bon, on veut distinguer entre qu'est-ce qui est certain et qu'est-ce qui est incertain, qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui n'est pas clair, pour éviter, soi-disant, de faire rentrer dans les choses qui sont certaines, des choses qui sont incertaines, qui sont pas claires, au nom de la salafia, au nom de yani, de vouloir opposer les gens de bid'a, de diviser nos rangs et de mettre le feu dans nos rangs à cause de ces choses-là. Et donc c'est comme si pour dire, en voulant dire que bon, il y a des salafis, ils prennent des choses qui sont des choses qui sont pas claires et ils les établissent comme étant des fondements. Et puis ils les utilisent pour faire des divisions entre les musulmans. Et puis nous, on veut pas faire ça. Donc on va distinguer entre qu'est-ce qui est thabit et qu'est-ce qui est mutarayir. Donc c'est ça ce qu'il veut dire en d'autres mots, sawi, dans ce passage-là. Il dit: ففسر الصاوي القطعي الثابت بالنص الصحيح الذي لا معارضة له أو الإجماع الصريح الذي لا منازعة في ثبوته إلا منازعة تعد من قبيل الزلة أو الفلتة التي لا يعتد بها ولا يعول عليها. Donc ici qu'il dit encore une fois que le Cheikh Hamad Al-Uthman, il dit que Sawi, il a expliqué qu'est-ce qui est Al-Qat'i, qu'est-ce qui est la chose certaine, qu'est-ce qui est ferme et établi. Il l'a expliqué en disant que c'était un texte qui est authentique, qui n'a rien qui rentre en opposition avec lui, ou bien un consensus clair qui n'a pas eu aucune forme d'opposition au sujet duquel il n'y a pas eu aucun désaccord dans son affirmation ou opposition. Il a munaza'atun, excepté si par exemple il y avait eu une opposition qui est comme une erreur, basée sur une erreur ou une faute qu'on ne prend pas en considération, hein, puisque quand quelqu'un fait une erreur, on ne considère pas que ça brise l'ijma. Donc ça, c'est sa citation ici. Puis après il dit: وَإِذَا تَأَمَّلْتَ تَفْسِيرَ الصَّاوِي لِلْقَطْعِ وَالظَّنِّ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِي بِأَمْرٍ يَطَّرِدُ فَوُقُوعُ الْخِلَافِ فِي النَّصِّ لَا تَسْلُبُهُ صِفَةَ الْقَطْعِيَّةِ فَكَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ قَطْعِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خِلَافٌ وَالْقَطْعِي هُوَ الَّذِي يَجِبُ ثُبُوتُ مَدْلُولِهِ وَعَدَمِ عِلْمِ الْمُخَالِفِ بِقَطْعِيَّةِ النَّصِّ لَا تنفي ثبوتها في نفسها ثم إن القطع والظن ليس وصفا للقول في نفسه بل هو أمر إضافي حسب حال المعتقد. Bon, il dit ici, le Cheikh Hamad Al-Uthman, il dit, lorsque tu analyses ou lorsque tu médites sur la définition ou l'explication de Salah Sawi, hein, lorsqu'il explique qu'est-ce que c'est Al-Qat'i et Al-Dhanni, tu vois tout de suite qu'il n'a pas amené quelque chose qui est une règle qui tient. Sa règle, elle est pas solide en réalité. Elle tient pas parce que il dit, il peut y avoir un désaccord au sujet d'un texte et ça ne veut pas dire que le texte n'est pas perd le fait qu'il est qat'i. C'est-à-dire, même s'il y a une divergence au sujet d'un texte, ça ne veut pas dire que le texte lui-même, il n'est pas qat'i. Et il dit, ça ne veut pas dire que le texte n'est pas certain, qu'il n'est pas authentique. Hein? Le texte peut être authentique, malgré qu'il y a eu des désaccords à son sujet, hein, ou des divergences à son sujet. Et il dit qu'il y a beaucoup de questions ou de sujets qui font partie des furu', qui sont qat'iyya, qui sont certaines, même s'il y a eu à leur sujet des divergences. Et il cite comme référence à ce sujet-là Al-Muswadda de Al-Taymiyyah à la page 442, et ça c'est un livre de Usul al-Fiqh. Ensuite il dit à ce sujet-là Al-Qat'i huwa allazi yajib thubut madlulihi wa adam 'ilm al-mukhalif bi qat'iyyat an-nass la tanfi thubutaha fi nafsiha. Donc il dit que qu'est-ce qui est qat'i en réalité, c'est qu'est-ce qui est obligatoire d'établir son qu'est-ce qui est, c'est la chose qu'il est obligatoire d'affirmer qu'est-ce qu'elle indique, hein, ce, la chose qu'elle indique ou qu'elle prouve, yani. Et donc il dit le fait qu'une personne le fait que la personne qui s'oppose au fait que ce texte-là il est qat'i, le fait que cette personne-là n'a pas la connaissance du fait que ce texte il est qat'i, ça n'enlève pas au texte lui-même le fait qu'il est qat'i. C'est pas relatif à la personne qui, c'est pas relatif à la personne qui doute ou qui ignore le fait que le texte soit certain ou authentique, qui fait que on peut lui enlever le fait d'être certain ou clair. Parce que peut-être qu'un texte est clair, mais une personne va le lire et elle va pas le comprendre. Et c'est pas parce que cette personne-là n'arrive pas à le comprendre, elle, que le texte n'est pas clair. Hein? Donc c'est un peu dans ce sens-là, et aussi dans le sens que c'est pas parce qu'une personne n'a pas été convaincue ou n'a pas su l'authenticité d'un texte, ça ne veut pas dire que le texte lui-même n'est pas authentique à cause de ça. C'est un peu dans ce sens-là que le cheikh essaie de l'expliquer, et il mentionne comme référence le livre Tariq al-Wusul. Tariq al-Wusul, qui est un livre de Usul al-Fiqh également. Si je ne me trompe pas, c'est ça, à la page 53. Et ensuite, il dit وَإِنَّ الْقَطْعُ وَالظَّنِ. La question lorsqu'on dit à propos d'un texte, lorsqu'on dit à propos de quelque chose qu'il est قَطْعِ وَظَنِ, ou que c'est الْقَطْعُ وَالظَّنِ, eh bien, cette parole-là, ce n'est pas une description de la parole elle-même. Ce n'est pas quelque chose qui concerne la parole elle-même ou qui a rapport avec la parole elle-même. C'est une chose qui est, comment je vais dire, idafi. C'est quelque chose qui est relatif à la croyance de la personne qui regarde le texte. D'accord? Dans ce sens-là. Donc, le cheikh, il dit, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقدين وليس هو وصفا للقول في نفسه فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده نعم وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك علما وظنا فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصور غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit donc, comme juste avant de lire la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici, il dit que inna al-qat' wad-dhann wad-dhann laysa wasfan lil-qawl fi nafsihi bal huwa amrun idafi hasba hal al-mu'taqid. Et là il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah par la suite dans Minhaj al-Sunnah le volume 5 à la page 91. Et j'essaie de traduire le mieux possible, mais bien entendu c'est des notions parfois qui peuvent sembler compliquées. Pourquoi? Parce que c'est des terminologies qui sont utilisées, puis des fois c'est de les transmettre mot pour mot c'est impossible ou presque impossible, mais il faut les traduire dans le sens, hein, la compréhension de ce de qu'est-ce que ça signifie ou l'idée qui est derrière. Et donc le Cheikh Ibn Taymiyyah ici, il dit dans Manhaj al-Sunnah le volume 5 à la page 91, le fait qu'on dit d'une question ou d'un sujet que c'est qat'i, quelque chose qui est qat'iyya ou dhanniyya, c'est quelque chose qu'on attribue ou qui est relié à l'état de la personne qui croit cette chose-là au sujet de ce texte, et c'est pas une description de la parole elle-même, de la parole en elle-même. Parce qu'une personne peut قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة. Quelqu'un peut être certain de quelque chose qu'il a su par nécessité, ou bien qu'il a reçu par une transmission, ou bien par un texte qui est dont il connaît la véracité et l'authenticité selon lui. Tandis qu'une autre personne qui ne sait pas ça ou qui n'a pas la même connaissance que lui à ce sujet-là ne va pas reconnaître la chose de la même façon que lui, ni sur le plan c'est-à-dire il ne pourra pas déterminer que c'est certain par rapport à lui, par rapport à ce qu'il sait lui. Donc pour une personne quelque chose peut être qat'i, tandis que pour une autre elle peut être dhanni, mais ça c'est par rapport à lui, par rapport à sa connaissance, c'est pas par rapport au texte lui-même, hein. Et donc le cheikh il dit peut-être qu'un être humain, une personne peut être très intelligent et avoir un esprit vif, hein, très très fort, et il comprend les questions scientifiques rapidement. Aussitôt qu'on lui donne une question, on lui explique les choses, on lui parle de quelque chose, d'un sujet, peu importe le sujet, même si c'est compliqué, hein, on lui dit certaines choses et il le comprend rapidement, hein. Il y a des gens comme ça, tu leur donnes une question ou tu leur parles d'un sujet abstrait et tout de suite ils l'assimilent dans leur tête, dans leur esprit, ils le comprennent tout de suite, hein. Il y a des gens, tu leur donnes un problème et tu leur expliques le problème et tout de suite ils le cernent, ils le comprennent rapidement, parce que ce sont des gens qui ont une intelligence vive et une compréhension très très forte. Donc le cheikh il dit que cette personne là elle arrive à connaître de la vérité et être certain de la vérité d'une façon qu'une autre personne ne sera pas capable de le faire de la même façon que lui, ou à la même rapidité que lui, ou de la même même peut-être que quelqu'un d'autre va pas rien comprendre du tout à ces questions là hein. On peut s'adresser par exemple à une assemblée, puis dans cette assemblée là on va parler d'un sujet avec les gens, on va s'adresser aux gens à propos d'un sujet, et bien dans la salle peut-être sur 50 personnes, peut-être qu'il y a seulement 10 personnes qui vont vraiment comprendre ce que cette personne-là est en train d'expliquer. Et donc c'est pour dire que il y a des différences d'intelligence entre les gens, et il y a des différences de niveau de compréhension aussi. Et il y a aussi une différence de connaissance d'une personne à l'autre, et c'est ce qui fait que pour certains quelque chose va être clair et qat'i, hein, définitif et clair et certain, pour d'autres ça va être moins clair, ou ça va être quelque chose qui est dhanni, hein. Et donc le cheikh il dit donc que la question de dire que quelque chose est al-qat' ou al-dhan à propos de quelque chose, c'est relatif à ce que la personne a reçu par rapport aux preuves, et aussi c'est relié à sa capacité de comprendre la preuve. Comment il va être capable de comprendre aussi la preuve qui est dans ce texte-là et dans cette preuve-là. Donc, il dit, Wannas, et les gens sont divergents, c'est-à-dire il y a des degrés, il y a des différences entre les hommes dans la façon dont les textes leur sont arrivés, leur parviennent. Et il y a une différence aussi entre les gens dans leur capacité de comprendre les preuves, et de les utiliser comme preuve. Donc, الناس يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه فقد خالف القطع بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يضطرد ولا ينعكس. Donc c'est ça. Il dit ensuite, le fait qu'une mas'ala ou qu'une question ou qu'un sujet soit qat'i ou zanni, c'est pas quelque chose qui est relatif à la question elle-même dans laquelle on a une divergence. C'est pas relatif à la question sur laquelle on a une divergence en elle-même. C'est-à-dire, on peut pas dire, comme le cheikh il dit, on peut pas dire que toute question ou tout sujet, toute personne qui aurait divergé au sujet de cette question-là aurait divergé ou aurait contredit qu'est-ce qui est qat'i, parce que c'est une description. Quand on dit que quelque chose est qat'i ou dhanni, c'est quelque chose qui est relatif à la personne qui regarde les textes et qui l'analyse et qui croit en ce qui est mentionné dans ces textes-là, et les gens peuvent diverger à ce sujet-là. Et là, il parle des ulama quand ils analysent les textes et quand ils divergent entre eux dans ces sujets-là. Bien entendu, c'est un peu un autre niveau par rapport à nous, et puis c'est un peu abstrait, donc toutes ces choses-là dont on est en train de parler, mais c'est juste pour essayer, le cheikh il essaie de nous faire comprendre les terminologies qui sont utilisées par Salah Sawi, parce que avant d'analyser n'importe quoi, lorsqu'on veut critiquer la pensée de quelqu'un ou quand on veut critiquer ses paroles, il faut premièrement comprendre les mots qu'il dit, le vocabulaire qu'il utilise, et essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'il veut dire par les mots qu'il utilise. Et pour comprendre réellement qu'est-ce qu'il dit, il faut aussi comprendre les mots nous-mêmes et savoir ce qu'il signifie réellement. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre lui ce qu'il veut dire et de comprendre la réalité par la suite, pour voir s'il y a une contradiction entre sa définition à lui et la définition réelle des termes qu'il utilise. Et donc on a vu au début qu'est-ce qu'il voulait dire par Thabit et par Al-Mutahirat. Maintenant on a vu ce que le cheikh a expliqué au sujet de qu'est-ce qui est un texte qui est qat'i et dhanni, et on a expliqué par la suite les divergences qu'il peut y avoir entre les savants, dans le sens que pour une personne ça peut être qat'i, pour une personne quelque chose peut être dhanni, mais c'est relatif relatif à la personne et à sa capacité de comprendre et à son niveau de connaissance, ainsi de suite. Et maintenant on va voir les exemples qui sont reliés à ça dans le livre lui-même, et des erreurs qu'il a fait à ce sujet-là, et vous allez comprendre tout de suite par la suite tout ce qu'on a expliqué. Maintenant, si c'était un peu trop abstrait, maintenant ça va devenir un peu plus concret, puisque vous allez voir des exemples, inshallah, directs de ça. Le cheikh il dit كتاب وكتاب الثوابت والمتغيرات فيه أمور كثيرة تستدعي تحذير القاري منها إذ أسرف مؤلفه غفر الله له كثيرا من الاعتذار لعباد القبور والأولياء والصالحين وجره ذلك إلى تأويلات سميجة وتقسيمات باطلة فتراه قد جعل الاستغاثة بالأولياء من التوسل المختلف فيه وجعل غاية ما في الطواف بالقبور أنه بدعة وليست شركا والتمس العذر لهم بذلك بأنه طواف تحية وليس طواف عبادة وكذا قال وما علم هذا أن الطواف بكل حال عبادة وأنه لم يرد في شيء من الشرع الطواف إلا ببيت الله العتيق ثم donc إذ ثم وصف الطواف بالتحية أو ثم وصف الطواف بالتحية لا يخرجه عن كونه عبادة بل إنه يزيد ذلك تأكيدا لأنه نزل الضريح منزلة الكعبة فشرع بتحيته بالطواف Donc on va lire maintenant le premier exemple ou certains exemples que le cheikh mentionne. Il dit que dans le livre « Al-Thawabit wal-Mutaghayyirat » écrit par Salah Sawi, il y a beaucoup de choses qui méritent qu'on avertisse le lecteur à leur sujet. Parce que l'auteur de ce livre, que Allah lui pardonne, l'auteur du livre, c'est-à-dire l'auteur du livre, c'est Salah Sawi, il dit que Allah lui pardonne, il a essayé de chercher des excuses pour les gens qui adorent les tombes et qui adorent les awliya et les salihin en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il cherche des excuses pour les mushrikin, les gens qui font le shirk et qui adorent les tombes et qui adorent les saints et les hommes pieux. Et ça l'a amené à quoi? Ça l'a amené à donner des excuses hein, et des prétextes et des interprétations de ce que ces gens-là font, qui sont des interprétations totalement fausses en réalité. Donc tu vois que par exemple quand il parle de al-istighatha bil awliya, ceux qui cherchent ou qui demandent le secours dans les moments de détresse, il demande le secours des awliya, des saints soi-disant ou des hommes pieux, il a classé ça lui dans la catégorie de tawassul au sujet duquel il y a des divergences. Donc lui il classe le tawassul, il classe l'istighatha par les awliya, il le met avec le tawassul au sujet duquel il y aurait une divergence. Donc vous voyez comment il ouvre la porte de la divergence pour faire rentrer à l'intérieur des choses qui ne font pas partie de la divergence et par la suite faire rentrer des formes de shirk et chercher des excuses pour celles-ci. Et en même temps, il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que quand on dit le mot divergence ou quand on parle de divergence, on parle de divergence entre les savants et les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Mais si quelqu'un ouvre la porte et quand il dit le mot divergence, il essaie de faire rentrer à l'intérieur de ces divergences-là des divergences qui font partie des divergences des gens de Bid'ah, il essaie de les rentrer dans les divergences qui font partie de l'islam, alors là, dans ce cas-là, c'est encore plus grave, c'est encore plus dangereux aussi. Hein, de faire rentrer les divergences des soufias, de faire rentrer les divergences des shi'as, hein, et des khawarij, de les faire rentrer à l'intérieur de Ahl Sunnah et de dire que ça c'est des divergences entre les savants, ça c'est grave, c'est dangereux. Hein, ça fait pas partie des divergences qui sont parmi les divergences entre les mujtahidin et les ulama de Ahl Sunnah. Ça c'est en dehors. Hein, de ces divergences-là. Donc c'est très dangereux. Et il dit ensuite, il a dit ensuite que pour lui, le tawaf autour des tombes, c'est seulement une bid'a, c'est pas shirk. Donc ça c'est Salah Sawi qui dit ça dans son livre. Il dit que pour lui, le tawaf autour des tombes, c'est seulement une bid'a, c'est pas shirk. Et il cherche des excuses pour les gens qui font des tawaf autour des tombes des awliya en disant que c'est pas un tawaf d'adoration, hein? C'est comme ça qu'il dit dans son livre. Donc ça c'est quelque chose de grave, quelque chose de shirk. Il dit non, ça c'est pas shirk, c'est juste une bid'a, yani c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam et c'est pas pour l'adoration qu'il tourne autour de la tombe. Après le cheikh il dit, n'a-t-il pas su ou n'est-il pas au courant que le tawaf peu importe que ce soit pour salutation, comme il dit lui, il dit qu'ils font le tawaf pas pour adoration, juste pour salutation. Le cheikh il dit, ne sait-il pas lui que de toute façon c'est une adoration quand même, hein, et que yani, on n'a rien, on n'a pas retrouvé dans la charia. Allah n'a jamais légiféré dans la charia aucune forme de tawaf excepté autour de la Kaaba, al-Bayt al-Atiq, Baytullah al-Atiq, c'est-à-dire la maison ancienne que Allah a ordonné de construire, c'est-à-dire la Kaaba. Donc le seul tawaf qui est permis et qui est légiféré dans l'islam, c'est le tawaf autour de la Kaaba. Il n'y en a pas d'autres qui sont permis dans l'islam. Autour d'une tombe, autour d'une autre chose, ça c'est haram. Et c'est shirk, parce que c'est une forme d'adoration que tu offres à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, c'est une bid'a, parce que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, n'a jamais enseigné, ni les sahaba, ni les tabi'in, ainsi de suite. Donc, c'est une bid'a et c'est shirk en plus. Il dit non, c'est pas shirk, c'est juste une bid'a. Donc, ne sait-il pas que de toute façon c'est une ibada, que tu dises que c'est une salutation, que tu dises que c'est une adoration, ça change rien, c'est une adoration quand même, hein? Parce que même quand tu arrives à la Mecque et que tu fais le tawaf, comment on dit tawaf al, quand tu rentres, tu salues tu fais le tawaf pour saluer la mosquée. Non, je ne me souviens plus comment on appelle ce tawaf. En tout cas, quand tu es à Mecca, quand tu rentres à Mecca, tu peux faire un tawaf, même si tu n'es pas un hajj, hein, tu rentres dans la mosquée, tu peux faire un tawaf. Ce tawaf, les gens le font comme pour saluer si je me rappelle bien, c'est saluer la mosquée. Wallahu alam, là, je me rappelle pas très bien. Mais c'est pour dire que même ça, c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et t'as pas le droit de faire ce tawaf ailleurs qu'autour de la Kaaba. Tu peux pas le faire autour d'une tombe ou autour d'un autre endroit, hein. Donc, le shaykh, il dit donc de thumma wasf al-tawaf bil-tahiyya la yukhrijuhu an kunihi ibada. C'est ça ce qu'il dit. Le fait de dire à propos de ce tawaf autour que les soufis et les autres font autour des tombes, le fait de dire que c'est une tahiyya, que c'est un salut, ça ne le fait pas sortir, ou ça ne le fait pas sortir du fait que c'est une adoration aussi. Et en plus, c'est encore plus grave. Le cheikh dit c'est encore plus certain dans ce cas-là que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Dans ce cas-là, si tu dis que c'est une salutation, parce que tu as mis la tombe, tu l'as comparé à la Kaaba et tu l'as mis au même degré que la Kaaba autour de laquelle on peut faire une salutation quand on rentre. Donc tu as légiféré quelque chose dans la religion, tu as légiféré qu'on peut faire une salutation autour des tombes. Est-ce que dans l'islam il y a quelque chose qui s'appelle un tawaf de salutation pour les tombes? Donc il a inventé quelque chose de nouveau dans la religion, une bid'a qui ne fait pas partie de la religion, et ça c'est grave. Et à ce sujet-là justement, Cheikh Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan qui a lu le livre et qui a vérifié le livre, il a mis un commentaire à ce passage-là. Il a dit « وَالطَّوَافْ خَاصٌ بِالْكَعْبَةِ لَا يَجُوزُ الطَّوَافْ بِشَيْءٍ غَيْرَهَا فَمَنْ أَجَازَهُ فَقَدْ شَرْعَ فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يَشْرَعْهُ وَمَنْ اسْتَبَاحَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ » Hein? Voici le commentaire de Cheikh Fawzan à ce sujet-là. Il dit « Le tawaf est particulier pour la Kaaba. On n'a pas le droit de le faire pour autre chose que pour la Kaaba. Et il n'est pas permis de faire le tawaf autour d'autre chose que la Kaaba. Celui qui le permet, il a légiféré dans la religion d'Allah ce qu'Allah n'a pas légiféré. Et celui qui rend ça mubah, istabaha, c'est-à-dire il le rend mubah, il le rend permis, alors il est kafir. Celui qui le rend permis, il est kafir. Alors il est kafir. Ça c'est la note de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah. Après le Cheikh il dit, wa yaqul as-sawi بعد الاتفاق على أصل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام قد يقع النزاع في اعتبار التأويل في مسألة بعينها كاعتبار ما يتأوله الصوفية في النذور التي تقدم إلى أصحاب القبور على أن النذر لله والثواب لأوليائه وفي الدعاء الذي يتوجهون به إلى أصحاب القبور على أن المقصود به طلب الشفاعة من الولي إلى الله وأن الميت في قبره يسمع كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم وفي الطواف بالأضرحة على أنه طواف تحية وليس طواف عبادة فقصاراه أن يكون بدعا لا شركا بدعا أن يكون بدعا لا شركا وفي طلب المدد على أنه طلب للدعاء والشفاعة إلى الله فيؤول إلى التوسل المختلف فيه. Donc ça c'est le passage dans le livre de Salah Sawi à la page 219 où il mentionne toutes ces idées-là. Comment il essaie d'interpréter les actions faites par les soufis. Il dit qu'on peut interpréter les choses que les soufis font d'une autre manière pour leur trouver des excuses. Comme quand ils font des vœux. Par exemple, ils font un nadr à la tombe des hommes pieux. On peut dire que c'est un nadr qui est fait pour Allah et dont on recherche la récompense pour les awliya. Ou on peut dire que le dua qu'ils font aux gens qui sont dans les tombes, que ce qu'ils veulent ou leur objectif, c'est de demander l'intermédiaire du wali auprès d'Allah. Et on peut interpréter ou bien que le mort entend dans sa tombe, comme plusieurs savants l'ont dit. Comme il dit que beaucoup de savants ont pris cette position-là. Après, il dit, on peut dire aussi que de faire le tawaf autour des tombes, que c'est un tawaf de salutation et non pas un tawaf d'adoration. Donc, on limite la chose à être une bid'a seulement et non pas shirk. Ou que ceux qui demandent le support et l'aide des awliya, qu'ils ne font que de leur demander le dua et l'intercession auprès d'Allah. Donc, on le ramène à dire que c'est une forme de tawassul au sujet duquel il y a une divergence. Donc, vous voyez comment il essaie d'interpréter les actions des gens qui font le shirk parmi les soufis. Et il essaie de dire, bon, tout ce qu'ils font, on va toujours dire que c'est quelque chose qu'ils font par erreur et on va leur donner toujours une interprétation pour dire que c'est pas le shirk, ainsi de suite. Donc le shaykh, il dit par la suite comme commentaire à ce passage-là, il dit « وَعَذَرَ الْمُؤَلِّفُ أَيْضًا مَنْ سَجَدَ لِلَوْلِيَا لِقِيَامِ شُبْهَةِ التَّوْقِيرِ قَائِلًا وَلِهَذَا يَخْتَلِفُ من يختلف من سجد للأولياء يظن ذلك من باب التوقيع الواجب لهم وأنه يثاب عليه صاحبه باعتباره قربة إلى الله وبين من سجد للقبر من الهندوس أو للنار من المجوس ونحوه فإن الشبهة في الأولى قائمة واحتمال الجهل قريب ومتوجه أما في الثانية فإن الأمر جد مختلف والعذر فيها ليس بمتوجه إذ لم ترد شريعة قط بتعظيم الأبقار أو النار ولكن وردت الشرائع بمحبة الصالحين وتوقيرهم وفي التبرك بآثارهم خلاف معتبر بل جاءت الشرائع السابقة بسجود إخوة يوسف ليوسف وسجود أبويه له ومن قبل ذلك سجود الملائكة لآدم وسجود تحية ليس سجود عبادة والتدرج من التوقير المشروع إلى التبرك الممنوع محتمل الوقوع واحتمال اللبس في ذلك قريب فتأمل. Donc il mentionne aussi que Salah Sawi dans son livre à la page 187 il dit que lorsque tu vois les soufis qui se prosternent devant leur awliya, devant leur tombe, hein, et devant leur personne, parfois ils se prosternent devant leur cheikh, ils disent qu'on peut l'interpréter par la shubha du respect, de vouloir montrer le respect. Hein. Et il dit que celui qui se prosterne pour les awliya, il dit c'est différent. Celui qui se prosterne pour les awliya et qui pense que ça c'est par respect et que c'est obligatoire de leur montrer ce respect, et qu'il sera récompensé pour ce respect qu'il a envers lui, que ça c'est pour se rapprocher à Allah, ça c'est différent que celui parmi les hindous qui se prosterne à la vache ou qui se prosterne au feu parmi les majus. Hein? Donc ça c'est, il dit que pour les premiers, c'est une shubha qui est basée sur la possibilité que cette personne-là soit ignorante. Hein? Pour la personne, pour les deuxièmes cas, l'hindou puis le majus qui adore la vache ou le feu, eh bien, pour eux, c'est tout à fait différent, puisque il dit, l'excuse pour les premiers, c'est clair, pour les soufis, il dit, l'excuse pour les soufis, c'est clair là-dedans, c'est correct. Mais pour les deuxièmes, pour les hindous et les majus, non, parce que il n'y a rien dans la charia qui nous demande de respecter les vaches ou le feu. Tandis que, il y a dans notre charia des choses qui nous incitent à aimer les hommes pieux et à leur montrer un respect. Et il dit qu'au sujet de chercher la baraka des reliques et des choses qui ont été laissées, il y a une divergence qui est considérable. Hein? Donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit, « Hada kazib. » Le cheikh Fawzan, il dit, « Ça, c'est un mensonge. » « Falaysa al-khilafu fi dhalika mu'tabaran. » Il dit, la divergence à ce sujet-là, elle n'est pas considérable. لأنه ليس من المخالف ليس لأنه ليس مع المخالف دليل أصلا أو شبه دليل. Hein? C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est pas une divergence considérable, parce que la personne qui est en contradiction à ce sujet-là, qui oppose dans cette question-là, qui essaie de défendre cette chose, elle n'a aucune preuve à la base, elle n'a aucune preuve du Coran et de la Sunna pour supporter cette chose, et non seulement ça, elle n'a même pas un semblant de preuve. On n'a même pas un semblant de preuve. Hein? Donc, ça, c'est à ce sujet. Et donc, je continue maintenant la citation du Cheikh Ahmed qui mentionne les paroles de Salah Sawi. Il dit, il mentionne, regardez la Shubha qu'il mentionne, il mentionne la Shubha de ces gens-là, des soufis, il dit, et notre charia, il y a d'autres charias qui sont venus précédemment avec la prosternation des frères de Youssouf pour Youssouf et wasujudu abawayhi lahu, et la prosternation de ses parents pour Youssouf, ou bien avant ça la prosternation des anges devant Adam comme un salut, et ça c'est pas un sujoud qui est une adoration. Le fait de passer du respect qui est légitime au tabarruk qui est interdit, eh bien, ça c'est quelque chose qui peut être qu'on peut concevoir, puis qui peut être qui peut arriver de la part de quelqu'un il peut être arrivé à faire ces choses-là parce qu'il a été mélangé ou confus, ou parce qu'on lui a, par exemple par ignorance ou des choses de ce genre. Donc il dit fata'ammal, hein, médite là-dessus, hein, observe ces choses-là et médite sur ces arguments-là. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le cheikh il dit qu'il est en train de faire des excuses pour ces gens-là, hein, et il essaie de justifier d'une façon indirecte, que c'est correct de les accepter, il ne faut pas diviser nos rangs par rapport à ça. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il insiste sur ces points-là et qu'il parle de ça? C'est parce que parmi les chefs, parmi les gens qui étaient dans les groupes des Hizbiyyin, les fondateurs de ces groupes, ceux qui ont établi ces groupes, il y a des gens qui font ça, ces choses-là, et qui croient en ça. Hassan al-Banna et les autres, hein, et Sayyid Qutb et les autres, la même chose. Donc pour essayer de leur trouver des excuses, ils vont aller jusqu'à essayer de dire que ouais, ça c'est des choses, de toute façon il y a des divergences à leur sujet, donc c'est pas grave. A'udhu billah. Ensuite il dit واستخف المؤلف بالسلفيين وعظم من شأن من يسميهم الحركات الجهادية فقال, hein, là il donne un autre exemple commun dans un autre passage dans son livre, à la page 15 et 16, il diminue de l'importance, il rabaisse, hein, il ridiculise même parfois les salafiyins, et il montre un respect, hein, et il élève le cas de ceux qu'il appelle les groupes de djihad, les groupes djihadis, harakat, les mouvements djihadistes. Hein, regardez comment il procède pour faire ça. أما il dit أما المذاهب العلمية فهي حركة إحيائية تسعى غالبا داخل إطار إسلامي قائم للدعوة إلى عدد من الأصول العلمية والعملية ترى أن اعتقادها من مقتضيات الإيمان ولا تواجه خصومة حاضرة مع أحد من غير المسلمين ولا تملك برنامجا محددا لتغيير الواقع فالإطار الذي تتحرك فيه الحركات الجهادية يختلف عن الإطار الذي تتحرك فيه المذاهب العلمية فالحركات الجهادية تعبئ الأمة بمختلف طوائفها للوقوف في وجه خطر يستهدف أصل وجودها ويسعى للاجتثاث شأفتها ومعقد ولائها وبرائها ومعقد ولائها وبرائها وهو الالتزام المجمل بالإسلام والاستعداد للمشاركة في هذا الجهاد أما المذاهب العلمية فإن حركتها تتجه في الأصل إلى من ثبت له عقد الإسلام لدعوته إلى التزام اختياراتها العلمية والعملية وخصوماتها تنعقد مع ما تراه من البدع والمحدثات ودائرة ولائها وبرائها هي الالتزام باختياراتها الخاصة وتجافي عن اختيار المذاهب الأخرى. الله المستعان. C'est grave. Il dit, il parle donc, comme j'ai dit au début de cette citation, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a terminé de montrer la défense de Salah Sawi pour les soufis. Maintenant, il va montrer la défense qu'il a fait des djihadis et des takfiriyins, hein, et des ceux qui se prétendent d'être des djihadis. Donc, il dit quoi? Il dit, il va mettre en opposition les salafis contre les djihadis pour montrer que les salafis sont en dessous, il les rabaisse et puis il élève les ceux qui se disent comme étant des djihadiens, hein, qui font le mouvement djihadiste, il les élève au-dessus d'eux et il dit ceux-là sont meilleurs. Et on va montrer comment il procède pour faire ça. Il dit que les madahib al-ilmiya, c'est-à-dire les écoles scientifiques ou disons madahib scientifiques, parce que l'ilmiya c'est scientifique. Et il parle de ça, en parlant de ça, il parle des salafis, parce que selon lui, c'est la voie des salafis, ou le manhaj des salafs, c'est uniquement, la salafie, c'est uniquement de s'attarder à la science. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas de la science, l'étude et tout, pour lui, ça, c'est pas considéré comme étant salafie. Ou bien qu'il limite la salafie à l'ilm. Mais c'est normal, l'islam c'est basé sur l'ilm. Et donc, il faut que ce soit basé sur l'ilm. Et il faut que ce soit basé sur quelque chose de ilmi, hein, sur la science de l'islam. Et non pas sur le jahl, hein. Donc, il dit, les madahib al-ilmiya, ce sont des mouvements de revivification, hein, ihya'iyya, qui sont là pour faire revivifier les musulmans, et qui fait un effort en général à l'intérieur des limites à l'intérieur de l'islam, et qui est basé sur le fait d'inviter ou d'appeler à une série ou à un nombre de fondements scientifiques et des principes dans la pratique également. Et donc, elle considère, on parle de l'école, de ces madahib, elle considère que leur croyance, elle considère que sa croyance et fait partie des nécessités de la foi et des choses qui sont impliquées par la foi, et elle envoie ou elle dirige tout le conflit et la dispute envers, c'est-à-dire comme s'il essaie de dire que elle ne s'oppose pas dans sa dispute envers les non-musulmans, c'est uniquement dirigé à l'intérieur, c'est-à-dire aux musulmans eux-mêmes, et elle n'a pas un programme défini pour changer le monde actuel. Donc ça c'est la description qu'il fait de la salafie. Donc c'est des gens, ils s'attardent à la science, ils considèrent que leur aqida et leur croyance, c'est qu'est-ce qui est ça fait partie des fondements de des nécessités ou des choses impliquées par la foi, et ils s'attaquent pas au c'est-à-dire ils ne s'opposent pas dans leur conflit ou dans leur opposition aux non-musulmans, ils c'est juste dirigé contre les musulmans, et ils n'ont pas un programme bien défini pour régler les problèmes actuels. Après, il dit, tandis que le terrain ou la base sur laquelle travaille le mouvement djihadiste est tout à fait différent que celui des gens qui se basent sur les écoles ou les madahib de scientifiques ou de sciences, al-ilmiya. Parce que le mouvement djihadiste mobilise les musulmans de tous les groupes pour se tenir en face du danger qui se dirige vers les fondements de son existence et qui essaie d'enlever ses blessures et qui essaie d'établir les principes et les fondements de al-wala wal-barad, du fait que tu t'associes ou que tu te dissocies de quelqu'un ou que tu te désavoues de quelqu'un, sur une application ou une appartenance générale à l'islam, et en même temps avec une préparation pour participer au djihad. Donc ça, c'est la description qu'il donne au mouvement djihadiste. Et c'est comme pour dire, bon, voilà, les salafis, eux, c'est juste leur ilm, et c'est juste entre eux, puis les koufars, ils vont pas avoir de problème avec eux, c'est juste entre les musulmans, puis ils ont pas de programme. Regardez, tandis que les djihadis, eux, ils mobilisent les musulmans de tous les groupes, et puis ils ont un but, puis ils veulent opposer les dangers qui font face à la Ummah, et ainsi de suite. Donc il dit, après, il continue dans sa critique et dans son attaque des salafis, et il dit que les écoles, les madahib al-ilmiya, les écoles scientifiques, leur mouvement à la base est dirigé vers les fondements. Tattajihu fi al-asl, non, sont dirigés à la base. إلى من ثبت له عقد الإسلام لدعوته إلى التزام اختياراتها العلمية والعملية. Donc il dit que le mouvement scientifique ou les écoles scientifiques ou les madahib scientifiques comme il les appelle lui en parlant des salafis, leur mouvement est à la base dirigé vers celui qui est déjà musulman, pour l'appeler à pratiquer ce qu'elle a choisi dans les questions scientifiques et dans les questions de pratique religieuse. Et donc, qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? Quand il utilise le terme dans ses choix ou dans les choses qu'elle a choisies ou dans ses choix à elle, c'est-à-dire l'école scientifique, appelle les musulmans à pratiquer et à s'attacher aux choix qu'elle a pris elle dans les questions de science et dans les questions de pratique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on choisit comme ça, à gauche et à droite des choses, puis on appelle les gens à nous suivre là-dedans. Alors que le cheikh, il met un commentaire justement à ce sujet-là. Il dit « As-salafiyoun haqiqatan la yulzimuna ahadan illa bil kitab wa sunna ». Il dit « Les vrais salafis, ils n'imposent à personne de suivre quelque chose autre que le Coran et la Sunna. » C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'ils choisissent d'eux-mêmes pour dire « Tu dois faire ça ou tu dois faire ça » ou « Croire en ça ou à ça ». Non, c'est des choses qui sont déterminées par « Qala Allah, Qala Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelque chose qu'on choisit nous-mêmes et qu'on détermine arbitrairement de cette façon, comme lui, il le présente. Après, il dit « Wa khusumatuha » تنعقد مع ما تراه من البدع والمحدثات. Donc il dit, et ces oppositions et les disputes qu'ils font, les conflits qu'ils ont, sont basés sur qu'est-ce qu'elles considèrent comme étant bid'a ou innovation ou invention dans la religion. Hein? Et après, comme il dit ça, comme si c'était un blâme en réalité. Hein? ودائرة ولائها وبرائها هي الالتزام باختياراتها الخاصة. Non, ça c'est grave. Il dit, et le cercle sur lequel ils se basent pour faire al-wala ou al-bara, c'est de suivre leurs décisions à eux, leurs décisions qu'ils ont prises particulières, leurs décisions à eux, en voulant dire que notre principe pour faire al-wala ou al-bara avec les gens, c'est qu'est-ce qu'on choisit nous-mêmes. C'est pas basé sur le Coran et la Sunna, d'après ce qu'il dit. Et donc ça c'est une grave accusation aussi. Et c'est très grave de dire une chose pareille. Et après il dit وَالتَّجَافِ عَنْ اِخْتِيَارِ الْمَذَاهِبَ الْأُخْرَى. Et de s'opposer ou bien d'agir d'une façon, d'être dur envers les autres écoles qui ont d'autres positions. Hein? Donc ça c'est Allah al-musta'an, c'est vraiment une attitude rusée. Et j'ai entendu Tariq Ramadan qui utilisait des termes de ces expressions là. Il a parlé dans certaines de ses conférences de al-thawab et al-mutaghayyirat, quand il essayait de parler de la laïcité, hein, comme par hasard. Et aussi il a parlé de certaines idées aussi quand il défendait, c'est quand il a fait sa cassette soi-disant de réponse aux salafis, et il disait ça. Il disait, il y a des élèves qui ont étudié à Médine, eux, ouais, ils reviennent, j'ai pas de problème avec eux, mais il y en a une autre catégorie, hein, de salafis, et puis eux, ils pensent que c'est seulement leur position qui est la bonne, et c'est seulement eux qui ont raison. Il dit ça, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié les autres écoles. Ils pensent qu'ils ont juste une école. Subhanallah, et comme j'avais expliqué dans d'autres cours, j'ai dit, subhanallah, à Médine, quand n'importe quel élève qui fait Kuliyat al-Sharia, ou Kuliyat al-Hadith, ou Kuliyat al-Da'wa même, on fait toujours des cours, et dans ces cours-là, on a al-Fiqh al-Muqaran, hein, des cours de fiqh qui font des comparaisons entre les madahib. Et on étudie chaque question, qu'est-ce que les différents madahib ont dit, et c'est quoi leurs preuves, et analyse des preuves, et par la suite, tarjih. Donc, de dire qu'ils n'ont pas étudié les autres madahib, c'est des fausses accusations. Mais de dire aussi qu'on s'oppose à tous les autres madahib parce qu'ils ont une autre position que nous, c'est faux. C'est par rapport au dalil qu'on doit s'opposer aux gens, pas par rapport aux décisions qu'on prend de façon arbitraire, hein, ou qu'on suit par rapport à nos désirs ou nos passions, hein. Donc ça c'est un petit détail. Et après le cheikh il dit qultu wa hadha al-ifk al-muftara la yantali ala basir mutajarrid an al-hawa. فالسلفيون وحدهم في العصر الحديث هم الذين أقاموا الدين الصحيح والدولة. دعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بالكتاب الهادي وسيف الإمام محمد بن سعود رحمه الله الناصر. أما الحركات الجهادية التي يمجدها الصاوي تملك برنامجا واضحا زعموا فلا أقامت دينا ولا أبقت دنيا بل ذاق المسلمون الأمرين منها وآل أمرهم إلى شر أعظم مما كانوا فيه قبل تهورات الحركات الجهادية فأي الفريقين أحق بالفخر إن كنتم تعلمون وفي الكتاب أمور كثيرة تحتاج إلى تحذير وتنبيه لا تتسع هذه الرسالة المختصرة لذلك ولعل الله ييسر من يقوم بهذا الواجب. Le Cheikh il dit en commentaire à ce passage là par rapport à qu'est-ce qu'il a dit au sujet des salafis puis des jihadis, il dit ça c'est un mensonge qu'il fait et qu'il invente au sujet des salafis et au sujet des jihadis aussi. Parce que n'importe quelle personne qui a une compréhension et qui s'écarte des passions, il va réaliser que les salafiyoun, les gens qui suivent la voie des salaf salih, qui sont sur le manhaj des salaf salih, à notre époque, ce sont eux uniquement qui ont réussi à établir la religion de façon correcte et d'établir un état. Avec la da'wa de l'imam al-Mujaddid, le réformateur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, par le Coran et la Sunna, et par le Coran qu'il a enseigné, l'islam et la Sunna, et par l'épée de l'imam Muhammad ibn Saoud qui l'a supporté et qui l'a défendu rahimahullah. Donc ça c'est cette da'wa qui s'est établie et qui a établi un état, et ça fait bien longtemps avant que ces groupes de Hizbiyin existent même, comme les Ikhwan et les autres. Et bien avant les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, les Shia Rafida en Iran. Bien avant eux, on a établi cet état et cette dawla qui est basée sur le kitab wa sunnah et sur l'aqidah des salaf salih et sur le manhaj des salaf salih. Et donc, c'est eux qui ont établi le jihad et qui ont établi la da'wa et l'ilm avant tous les autres. Et bien entendu, à d'autres époques, auparavant, il y avait d'autres états aussi qui ont établi ça et qui ont appliqué ça. Mais à l'époque actuelle, c'est uniquement, uniquement les salafiyins qui sont en train d'appliquer ça en pratique et en théorie. Et bien entendu, on ne dit pas qu'on a atteint la perfection ou qu'on est infaillible, mais c'est pour dire que quand même, en ce moment, qu'est-ce qui est établi comme État islamique, c'est la da'wa de Muhammad Abdul Wahhab qui en a été le fruit à notre époque. Et il dit ensuite, en ce qui concerne les groupes de djihad et les mouvements de djihad, soi-disant qui prétendent faire le djihad, que Salah Sawi est en train de glorifier, et qui ont un programme clair, comme le prétend Salah Sawi, parce qu'il a critiqué les salafis en disant qu'on n'a pas un programme clair pour réformer ou pour changer la société ou pour changer les problèmes actuels. Donc il dit, eux, ces groupes soi-disant de djihadis qui prétendent avoir un programme pour réformer la société, ils n'ont pas établi ni la religion et ils n'ont pas non plus établi, ils n'ont rien laissé de la dunya non plus. Ils ont fait goûter aux musulmans les problèmes et le mal dans les deux. Et la conclusion et les conclusions et les résultats de tout ce qu'ils ont fait n'a été autre chose que le mal, un mal plus grand pour les musulmans. Le mal qu'ils ont produit est plus grand après leurs attentats et tout ce qu'ils ont fait comme problème que la situation comment elle était auparavant. Avant qu'ils fassent leur désordre, les musulmans avaient des problèmes, mais aujourd'hui, les problèmes qu'ils ont à cause d'eux est plus grand encore que les problèmes qu'ils avaient auparavant. Donc, c'est pour dire que le mal qu'ils ont produit est beaucoup plus grand que le bien. Et donc, lequel des deux groupes a plus le droit d'être fier de ce qu'il a fait ou de ce qu'il est? Si on compare les deux, si vous savez, le cheikh, il dit, il nous pose la question. Et donc, bien entendu, lequel? Est-ce que c'est les takfiriyin et les mufsidin? Ou bien c'est les gens qui suivent la voie des salafs et qui appellent au manhaj des salafs? Bien entendu, c'est les gens qui appellent au manhaj des salafs salih, Hein? Et donc, on voit que le manhaj de Salah Sawi et des gens qui suivent cette voie parmi les sururiyyin et les qutbiyyin et les autres, c'est d'essayer de flatter toutes les jama'at dans le sens du poil pour essayer de faire plaisir à tout le monde et de ne pas critiquer personne. Du moment que tu dis que tu es musulman et que tu appelles, soi-disant, à un islam quelconque, alors là, dans ce cas-là, tu es musulman, il faut t'aider, il faut être d'accord avec toi, sans faire de distinction et sans critiquer personne. Et donc, ça c'est, effectivement, c'est quelque chose de très dangereux. Et c'est pour ça que vous entendez même des fois, par exemple, Tariq Ramadan en France qui dit « Non, nous on est d'accord pour travailler avec tout le monde, on veut travailler avec les salafis, on veut travailler avec les tablirs, on veut travailler avec tout le monde, hein, même avec les koufars. » Donc, dans le sens que, tant que tu les critiques pas, ils te critiquent pas, ils vont t'aimer. Mais du moment que tu les critiques, là, tu vas voir comment ils vont être avec toi. Et les soufis, c'est la même chose, comme je disais au tout début. Hein. Comment ça se fait que parmi eux, il y a des gens qui font du shirk, qui disent des paroles de kufr, qui croient que leur awliya ont le contrôle de l'univers, ils croient en wahdatul wujud, ils disent que leur imam ou leur a'imma ou leur awliya, ils savent le rey, ou ils font toutes sortes de khurafat, ils font du sihr, ils font de toutes sortes d'autres mensonges, toutes sortes d'égarements, et quand tu parles d'eux, yani c'est comme si tu fais un crime, tu commets un crime parce que tu les critiques. Mais pour eux, quand un salafi il parle du Coran et de la Sunna et qu'il explique la vérité aux gens, celui-là, ils sont prêts même à dire parfois qu'il est kafir. Mais quand les autres qui font du shirk et du kufr, ils font qu'est-ce qu'ils font? Ils ne disent rien d'eux. Et même, ils ne vont même pas dire que ce qu'ils font, c'est du kufr et du shirk. Au contraire, ils vont les défendre. Donc, comment ça se fait que nous, quand on appelle au tawhid, on est des koufars, on est des égarés, on est des gens qui font, on veut faire le problème, on est pas bon, hein? Ils vont critiquer les ulama, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, hein? Muhammad Abdul Wahhab, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, hein? Cheikh Rabi' et tous les autres shuyukh, ils vont les attaquer. Mais quand c'est eux et leurs shuyukh soufiyin, et quand on donne les preuves dans leurs livres, avec leurs paroles, des formes d'égarement qu'ils disent qui sont contraires au tawhid, contraires à l'islam, eh bien, eux, c'est comme ça passe, ça passe comme si c'était rien du tout, hein, comme si c'était correct. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est comme s'ils ont, on dirait, la façon comment ils agissent, c'est comme s'ils ont signé un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala pour leur permettre de faire le kufr et le shirk, ou pour faire des bid'ah et pour dire n'importe quoi à propos d'Allah et à propos de la religion. Mais personne n'a le droit de les critiquer, et si tu les critiques, tu deviens kafir. C'est comme si pour eux, la religion, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam, c'est de critiquer les soufis. Et qu'est-ce qui fait sortir de l'islam, c'est de critiquer les gens de bid'ah. Mais en dehors de ça, tout est permis. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser que comme tu veux. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans l'islam, de dire ce qu'il veut à propos d'Allah, de dire ce qu'il veut à propos du Coran, à propos de la Sunna, sauf de critiquer les soufis et de critiquer les mubtadi'a en général et les asha'ira, ainsi de suite. Donc ça c'est grave. Ça c'est quand tu défends le haq, c'est là que pour eux c'est là que tu es dans le batil. Et quand tu défends le batil, tu es correct. Donc ça c'est vraiment l'égarement total. Donc le cheikh il dit, pour terminer ce chapitre, il dit il y a beaucoup d'autres choses dont on doit avertir les gens par rapport à qu'est-ce qui est dans ce livre là. Et bien il dit cette petite risale qu'on a écrite, c'est un résumé, et donc c'est pas assez, on peut pas se permettre de rentrer trop dans les détails pour réfuter chacun de ces points là qu'on devrait réfuter. Mais il dit que peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter la tâche à quelqu'un d'autre de prendre ce devoir obligatoire de clarifier la vérité au sujet des erreurs de ce livre là. Et effectivement, alhamdoulilah, il y a beaucoup de mashaykh et de tullab al-ilm et des ulama qui ont clarifié plusieurs des erreurs et des égarements qui sont dans ce livre. Hein? Et c'est pour ça qu'on a, que les ulama ont averti contre Salah Sawi, hein, et les gens qui sont dans sa tendance. Qu'est-ce qui est triste par contre, c'est de voir que des gens le défendent sans même avoir lu les erreurs qui sont dans son livre. Ils savent même pas, hein, et ça c'est ça qu'on est dans cette situation là actuellement, où lorsque quelqu'un fait des erreurs, mais parce qu'on les a pas entendues nous-mêmes, on donne le bénéfice du doute et on refuse que quelqu'un les critique parce que nous on connaît pas son erreur. Et ça c'est absurde. C'est pas parce que toi tu connais pas son erreur que on doit s'arrêter de le critiquer. Hein? Et les ulama, eux, ils connaissent ses erreurs et ils ont averti contre lui. Donc tu peux pas dire aux ulama de cesser de le critiquer parce que toi t'as pas trouvé son erreur. Hein? Il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Parce que eux, ils ont pas trouvé l'erreur d'un cheikh ou de l'erreur d'un tel, hein, dans ses écrits ou dans ses livres. Il y en a qui disent ça, c'est faux. Ah non, moi j'ai lu les livres d'un tel, j'ai jamais trouvé d'erreur dedans, tout est correct. Peut-être que tu l'as pas vu parce que t'as pas la connaissance nécessaire pour comprendre l'erreur. Peut-être que le cheikh, justement, il a vu l'erreur que toi t'as pas vu, mais c'est justement en clarifiant l'erreur que là tu vas la voir. Hein? Donc il y a beaucoup de détails à ce sujet-là. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller plus loin dans le livre aujourd'hui. On a juste eu le temps de faire ce chapitre-là. C'est une critique de certaines erreurs dans le livre de Salah Sawi. Mais quand même si on n'a pas fait plus que ça, quand même, déjà ça c'est quelque chose de bénéfique, Inch'Allah, et d'utile et d'important. Et on continuera donc la suite du livre la semaine prochaine, bi'idhnillah, samedi prochain. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.